Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Alors, bonne fin d'après-midi, chers auditeurs et auditrices de Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Nous sommes en direct de la Fiesta ludique de Québec en fin de semaine. Donc, ça vient de se passer il y a quelques jours. Et je suis en compagnie des membres de la Puissance Maximale. François G. Couillard est là avec moi. Salut Vincent Landois. Salut François. Et nous avons également Michael Michaud qui est là avec nous. Salut les gars. Alors, vraiment, une journée assez incroyable, vraiment intéressante. Nous avons déjà eu la chance de jouer à quelques jeux. Nous allons en jouer quelques-uns également. Et on va parler un peu de ce que vous allez avoir au cours de l'émission d'aujourd'hui. Ouais. On va parler entre autres du jeu Edo. Et sûrement, on va avoir une entrevue aussi avec Peter de la compagnie... Eggerspiel. Eggerspiel, exactement. À vos souhaits. Et on ira rencontrer également des joueurs qui sont en train de participer à la Fiesta ludique, qui jouent à toutes sortes de jeux, des jeux plus connus, des jeux plutôt nouveaux également. On a quelques jeux en test qui vont sortir dans les prochains mois. Donc, vous aurez ça tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Et on va partir, comme à l'habitude, en musique dans quelques instants. Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg. Und wir hören jetzt Présence Maximale. On vient de jouer au jeu Edo. C'est le jeu qui a été présenté par Peter de Eckert-Spiele. Alors, c'est un jeu qui se passe en Asie. Et puis, le concept, c'est que, bon, il y a une espèce de village dans lequel on a chacun nos clans de samouraïs. Je m'imagine que ça a des clans d'Asiatiques, des clans de samouraïs. Peut-être que toi, Michael, tu te connais plus en culture japonaise. C'est quoi exactement les familles qu'on contrôle? Mais là, en fait, là, ce qu'on a pu voir tantôt, c'est qu'on est à Edo, donc Tokyo, parce que Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo là, avant la restauration Meiji au 19e siècle. Alors, on est à Tokyo, finalement, pendant cette période-là, peut-être même un peu avant. Puis, j'ai pas l'impression qu'on joue des samouraïs, parce que là, vous pourrez en constater que les actions qu'on fait, justement, c'est du vol, l'assassinat, ça va, là, ça reste quand même dans les clans samouraïs, ils pouvaient le faire. Des vols. Ouais, des vols, des kidnappings, puis il y avait des trucs, justement, de guerre. Mais j'ai l'impression, en tout cas, ça se pourrait très bien que ça soit aussi des clans, mais c'est nommé des clans, donc j'aurais l'impression que c'est ça. Puis on est justement dans la ville où il y a différents secteurs de la ville qui est représenté, où nos clans devront agir. C'est un jeu dans la culture allemande, donc c'est un jeu de gestion. On gère nos clans et puis on doit entreprendre des actions pour faire progresser notre clan. Et parmi ces actions-là, on peut faire des quêtes qu'on peut obtenir. Puis en complétant ces quêtes-là, on peut gagner de l'argent, on peut gagner des points de victoire, on peut gagner toutes sortes de choses. Pour faire les quêtes, ça nous prend des éléments. On doit obtenir des armes, on doit obtenir des lieux qui peuvent nous permettre justement d'accomplir toutes ces quêtes-là. Ça nous prend de l'argent parfois, on va en ramasser également de l'argent en accomplissant ces quêtes-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'objets ou de petites cartes tout simplement à aller chercher sur le jeu au fur et à mesure. Et c'est ça qui nous permet d'accomplir des quêtes qui sont parfois simples, mais il y a quand même quatre niveaux assez différents au niveau de la quête. Oui, il y a 4 ou 5 niveaux de difficulté pour chacune des quêtes. Et il y a un niveau plus facile jusqu'à plus difficile. Les quêtes faciles, là, la description, ça peut être simplement d'aller identifier le menu dans la case restaurant. Et puis là, tout d'un coup, ouf, on gagne de l'argent à faire cette quête-là. Sinon, les quêtes les plus difficiles, là, c'est ça, il faut avoir beaucoup, beaucoup... On peut avoir des geishas, on peut avoir des lieux pour notre clan, comme un jardin, une espèce de temple, un dojo, des choses comme ça. Ce qui renforce notre classe, ce qui nous permet justement de faire les quêtes plus difficiles. Peut-être tes impressions, Michael, sur ce jeu-là. Ça nous a pris quand même quasiment 3 heures pour jouer. Là. C'est quand même un jeu assez lourd. Puis on ne l'a même pas terminé, en fait. Là. C'est sûr, ça va être un long jeu de gestion. On se base sur justement récolte de ressources, gestion de ces ressources-là. On a du bargain où on peut négocier avec nos adversaires pour obtenir certaines ressources. Et c'est principalement ça, le jeu. On va gagner, justement, je pense qu'on avait 11 tours à faire. Je pense que c'est le 11 tours réglementaire pour le jeu. Et on gagne avec, après le 11 tours, ben, c'est celui qui a le plus de nombre de points de victoire qui va gagner. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce jeu-là. En plus, on a testé la version bêta, je crois, qui est encore en développement. Des règlements qui sont encore, même que M. Peter a pris nos impressions pour justement a pris des notes pendant notre partie pour vérifier les règlements. Mais moi, je vous dirais que ça doit s'approcher quand même d'une version assez finale. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas été trop retardé par des problèmes de règlement. Ça coulait bien. C'est long, mais c'est normal parce qu'on est dans un jeu de gestion. Donc, il faut penser à nos actions. Si on va trop vite, j'en ai été la preuve dès le début du jeu. Puis même M. Peter, on a un tour où on se rappelle où il a utilisé certains mots allemands qu'on ne répétera pas ici. Où il s'est lui-même pris au jeu où ça allait trop vite. Mais c'est ça, il faut prendre son temps. C'est une des raisons. Mais en même temps, ce genre de jeu-là, comme un bon jeu de risque ou un bon jeu de stratégie, bien, il faut prendre son temps. Puis, de toute façon, il faut s'y attendre en entrant dans le genre de jeu-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié mon expérience. Des impressions, Vincent, sur le jeu Edo? Bien, moi, toutes les fois qu'on rentre au niveau du type de jeu de plateau, je me considère toujours un novice. Je n'ai pas été un grand joueur de jeux de plateau dans ma vie. Oui, j'ai joué les Monopoly, les clous avec lesquels on jouait quand on était jeune. J'ai découvert le jeu de plateau avec Puissance Maximale. Et pour un novice qui comprend pas toujours les règles au départ, moi, ça me prend beaucoup de temps. J'ai été capable quand même assez rapidement de prendre le rythme du jeu. Et un peu comme Michael l'a dit, vraiment un jeu très intéressant. Oui, la gestion, on en a parlé également un peu tantôt. Je suis d'accord avec ce que tu disais, François, au niveau de la gestion se fait, oui, individuellement. Il y a peut-être un petit côté, pas coopératif, mais compétition, qui manque? On a seulement un endroit où on peut négocier. On doit aller sur la carte au marché pour faire de la négociation. Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de ça. Donc, ce serait peut-être à revoir à ce niveau-là. Mais je suis quand même très... moi, je suis très satisfait. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Ça sera sûrement un achat dans les prochaines semaines. Je pense que, je vais dire comme Vincent, ce qui manquerait peut-être à ce jeu-là, c'est pas majeur, mais c'est un peu de compétition directe entre les joueurs. Parce que là, on se retrouve où il faut ramasser les ressources, puis si on les a pas, c'est rarement à cause des autres. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Comme François, là, on a vu, c'est toi qui as gagné la partie, là, parce que tu étais vraiment en avant de nous autres, puis t'as eu les bons moves au bon endroit. Mais, à part certaines cartes d'action, là, parce qu'il y a certains types de cartes où on peut intervenir, c'est beaucoup, beaucoup pour nous, moi, je trouve. Il y a beaucoup d'actions que c'est pour nous qu'on peut profiter pour réussir à avoir des ressources, mais moi, je trouve qu'il manque un peu de compétition directement entre les joueurs pour leur nuire. Puis, tu vois, justement, j'ai fait deux grosses erreurs majeures en cours de jeu, puis ça ne m'a pas nuit, justement, parce que, par exemple, j'avais il y en a quatre, on peut avoir de deux à quatre petits bonhommes qui viennent nous aider pour faire des actions, et j'ai mis à deux reprises, j'ai fait une erreur vraiment grossière, j'ai mis mes petits bonhommes dans le chemin, dans le fond, du Watchman, qui est en fait un soldat qui capture nos petits bonhommes quand ils sont placés. Fait que j'ai perdu gratuitement deux petits bonhommes en cours de partie et ça ne m'a absolument pas ralenti. Donc, c'est ça, dans le fond, je peux dire, j'aurais dû être le dernier, en fait, dans cette partie-là, parce que j'ai le plus mal joué, en fait. En fin de compte, le seul élément de compétition directe qu'on pourrait nommer dans ce jeu-là, c'est les endroits qu'on va visiter. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et parfois, on se fait bloquer le chemin. On est le quatrième ou le troisième à jouer. Et il y a seulement deux espaces. Les deux premiers sont allés voir, je sais pas moi, le shrine, par exemple. Je m'excuse en mauvais français. Le temple. Et on peut pas y aller, mais on voulait faire notre action-là. Ça peut arriver. Donc, il y a ce niveau-là qu'il y a ça. Et il y a également les quelques petites cartes pour lesquelles les lieux, par exemple, il y en a seulement 3 sur 4 au total. Donc, c'est un type de compétition directe. Mais c'est vrai que pour ce qui est de négocier tout ça, on ne rentre pas là-dedans. Moi, c'est sûr qu'on n'aura pas d'affrontement type combo, ces trucs-là. Ça, c'est pas très grave, là. Mais effectivement, il faut jouer des stratégies pour les places disponibles dans les différents secteurs de la ville, puis aussi pour ces buildings-là. Au début, c'est pas très clair, puis même, c'est pas très important au début de la partie. Mais plus ça avance, plus ça devient important. C'est effectivement un aspect que les joueurs, faut vraiment qu'ils soient éveillés à ce point-là pour voir. Puis il y a beaucoup de choses hein, sur le board. C'est qu'il faut être attentif, faut prendre son temps si on veut justement gagner la partie. Fait que voilà, c'était nos impressions par rapport au jeu Edo de Eggert Spiel. In the cafe the other day, down in Chinatown, there I sat in a Chinese hat with black men, yellow and brown. Blinky Blinky Blue said, quietness please, Packy Packy Poo will sing. And music bright and gay in an oriental way was played by Ling Ling Fling. Chanky Chewy sat next to me, smoking his long pipe. To me he said, it's winter time, as your nose is red and ripe. Blinky Blinky Blue said, order please, then he shouted with a strain, my friend Packy Woo, I'm so pleased to tell you, we'll start to sing again. Thank you. bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. En direct de la Fiesta Ludique, l'équipe de Puissance Maximale, en ce samedi. Fiesta Ludique qui arrive pour la première fois à Québec. Et nous sommes en compagnie de Peter de Eggerspiele, qui est une compagnie d'édition de jeux. Et également, ils sont en commun avec Philosophia aussi. Peter, guten Tag. Guten Tag, hello. Et you are from Eggerspiele, and I would like to know, how did you start this company? Were you a gamer first, or how did it start in Germany? Yeah, it started 15 years ago, and I'm a gamer, and I like a horse racing game, and so I decided to make a horse racing game 15 years ago. OK, donc c'est une compagnie, si vous avez compris, ou peut-être vous n'avez pas compris, une compagnie qui a débuté il y a de cela 15 ans. Et Peter ici était un amateur de jeux de course, en fin de compte. C'est un amateur de jeux, mais vraiment, les courses de chevaux, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et c'est de cette façon qu'il a commencé dans la business. So you have been there for 15 years now, means that you created a lot of games and many kinds of games? Yes, first I create the games for myself, and for 10 years it changed, and I published game from other game designer. OK, donc il a commencé par faire un jeu tout simplement pour lui au départ, et le tout a évolué avec du design et des choses comme ça. Assez intéressant pour Eggerspiele. You are not alone in this. You also have a partner, I think, is going to be here this afternoon? Yes, he will. I just talked to him. He will arrive in 3 hours, and then we play Testia games together with you. Okay, and finally, you were able to get in touch with Philosophia, that is a company, edition company here in Quebec, in Canada. How did you get in touch with them? You met them at a conference or something like that? I met Sophie from Philosophia the first time in Essen when we published Cuba, and she asked me if she can do it in a French version. OK, donc pour la première fois, ils ont rencontré les gens de Philosophia à Essen lors du Festival du jeu, et ils ont rencontré Sophie de Philosophia alors qu'ils présentaient le jeu Cuba, et Sophie a demandé s'ils pouvaient éditer une version française, et c'est comme ça que l'entente est arrivée. And let's talk about the game that we just played together, that is Edo, ancient name for Tokyo, I think, in Japan. Et notre collègue ici, Michael, peut nous en dire un peu plus s'il veut. Ben en fait, c'est ça, c'est en plein ça, là, pour m'occuper du côté culturel japonais. Edo était le nom de Tokyo avant la restauration Meiji, donc au 19e siècle, c'est ça. Et c'était pas encore la capitale à cette époque-là du Japon, c'était alors à Kyoto. Là, ce qu'on vient de jouer, c'est ça, c'est un jeu qui est basé sur un peu un contexte historique d'avant la révolution. On joue pas vraiment des samouraïs, Peter va pouvoir vous en parler. On joue plutôt, on dirait, des yakuza ou des criminels. Mais bref, je vais vous laisser. Mais effectivement, jeu basé sur un contexte historique japonais. Okay, my colleague here was talking a little bit about the history of the game, maybe. That we're not playing samouraïs, but maybe more criminals. And how did you end up with the concept of Edo? Oh, we got them, I think, 3 years ago from guys from the Netherlands and Belgium. And we play-tested it and say, oh, it's a great game and we want to publish it. OK, donc c'est un jeu qui est arrivé des gens de la Hollande et un peu de Belgique, je crois. Et ils sont arrivés avec le concept chez Eggerspiele. Et après l'avoir essayé, ils ont fait, ouais, c'est un jeu qu'on aimerait bien publier. Have you received any comments yet on the game that you are showing us today? Yes, today we played it only one time because it's a long game, but the people like it and I hope we'll test it more time here. Donc oui, il y a des très bons commentaires. Nous, on a eu la chance de le jouer. On va faire des commentaires un petit peu plus tard dans l'émission à ce niveau-là. Et très bons commentaires pour le jeu. On espère que les gens auront la chance de le jouer encore plus ici à Fiesta Ludique. And finally, are there more projects that you would like to discuss or talk about? Things that is related to history or things that are related to maybe managing games? What kind of games are you working on right now? Today, my favorite game is Cubanito. It's a game that's played also in Cuba, but it's faster and you play 45 minutes, but very tricky and easy. OK, donc un jeu qu'il aime bien, Cubanito, un jeu qui se joue assez rapidement en 45 minutes. Dankeschön, Peter. Bitte schön. nos ponts suspendus. À l'unisson, unissons-nous. On est les rayons de soleil éclairant les gens qui sommeillent. Foyer de lumière tel un phare dans le brouillard. À l'unisson, unissons-nous. On est des rockeurs de valve, rugissement de son, explosion, mouvement des pièces en friction, les quatre temps de l'évolution, dans la vitesse, droit devant, réagissons ouvertement. On jouait des musiques au diable. Nos instruments sont nos armes. Sont nos armes. À l'embantrain, au gré du son. Au gré du son. Passons à l'action maintenant. Maintenant. Prendre de front nos masses illusions. Prendre de front nos masses illusions. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Alors, on vient juste d'essayer un jeu qui s'appelle Bazar Bizarre. Alors, un mot du grand gagnant? Écoute, François, je suis fier, j'ai donné mon 110%. Pas facile, mais sur une note plus sérieuse, on a un jeu d'association. Ça fait qu'on a un paquet de cartes. J'imagine que tu vas en avoir peut-être 52 ou je ne sais pas s'il y en a exactement. 64. On a 5 pièces. Une bouteille verte, un fantôme blanc, un livre bleu, un rat gris et un fauteuil rouge. Tout en bois, là, bien peinturé, avec des couleurs bien représentatives. C'est vraiment des belles petites pièces. Et on a le paquet de cartes. Le jeu, c'est pas compliqué. On est entre amis autour de la table. On va tirer une carte et il faut prendre l'objet qui ne correspond aucunement ou totalement à ce qui est sur la carte. Donc, par exemple, ici, là, je viens de tirer la carte avec un fauteuil bleu et une bouteille blanche. Donc, ce n'est pas le fauteuil parce que le fauteuil est rouge. Donc, c'est pas le fauteuil. Faut pas que ça soit bleu. Faut pas que ce soit la bouteille, ni que ce soit blanc. Donc, le choix va vers le regris. Mais donc, imaginons, on était trois, ça pouvait aller assez vite, puis les mains peuvent s'entrechoquer, parce que c'est le premier qui va ramasser l'objet, donc va garder la carte, donc c'est un point. Donc, je vous dirais que ça prend une rapidité. Une bonne rapidité d'esprit. On pense qu'on peut s'habituer tout au long de la game, là, mais c'est parce que des fois, justement, la petite vite, justement, l'objet, c'est exactement l'objet sur la carte. Là, souvent, on n'y pense pas. On pense surtout au contraire. Bien que là, des fois, on peut... Ben, là, François, d'ailleurs, t'en as ramassé une couple de cartes là-dessus, sur ce point-là. Donc, moi, je dirais, c'est quoi? C'est, là, j'essaie de voir l'âge sur la boîte. Un 8 ans et plus, de 2 à 8 joueurs. On était 3. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez plaisant. C'est quoi? C'est même pas 10 minutes pour une petite partie. Fait que, imaginez essayer ça à 8. Moi, je trouve que ce serait un bon petit jeu. Justement, un bon petit jeu de fête, là. Puis c'est pas long en plus. Fait que, bon petit jeu. Un bon petit jeu de party. Puis j'ajouterais que ça ressemble un peu à Double puis Jungle Speed, dans le sens qu'il y a beaucoup de rapidité puis il y a des associations à faire. Donc pour les enfants puis pour les gens plus âgés aussi. Là. Alors voilà, Bazar Bizarre. Mon nom est Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Je viens d'essayer un petit jeu qui s'appelle Onirim. C'est fait par Zedman Games. Le créateur, c'est Shady Torbay. Et puis, c'est un jeu assez chouette. Ça se joue seul ou avec deux personnes. Alors, c'est un jeu qui se passe dans le monde des rêves. On est coincé dans ces rêves. Et puis, il y a des cauchemars qui peuvent intervenir. Et puis, il faut trouver les portes pour s'enfuir de son rêve. Alors, c'est un jeu de cartes. Si c'était pas clair, c'est très bien illustré. C'est des cartes très jolies. Chaque carte symbolise, est associée à une couleur et à un symbole. Et si on a trois cartes de la même couleur, mais de symboles alternatifs qui s'emboîtent dans son rêve, ben on peut ouvrir une porte. Et le but, c'est d'ouvrir, quand on joue seul, le but, c'est d'ouvrir 8 portes pour pouvoir sortir de son rêve et gagner. À chaque fois qu'on pige une carte cauchemar, eh bien là, il faut subir les offres du cauchemar. Donc, il y a 4 actions qu'on peut faire. Soit on défausse toutes ses cartes dans ses mains, soit on donne une clé au cauchemar. Les clés, c'est très utile pour ouvrir les portes, alors c'est toujours un peu plate d'en perdre une. Et on peut faire tout un ensemble d'autres effets indésirables quand le cauchemar survient. Et puis, la carte clé est extrêmement importante parce que ça peut nous permettre aussi, quand on en joue une, de voir les prochaines cartes qui s'en viennent et d'enlever les cauchemars et d'agir un peu sur le futur du jeu. On peut changer l'ordre des cartes qui s'en viennent. Donc voilà le jeu Onirim, donc pas mal intéressant. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Là, je viens de jouer à un petit jeu qui s'appelle Robot Master, un jeu de Rainer Knizia. Et donc, c'est un petit jeu assez simple qui joue à deux ou à 4 personnes. Ça part à partir de 12 ans. Et donc, c'est un petit jeu de rien du tout, un petit jeu de cartes qui se trouve dans une petite boîte en métal. Et puis, c'est un jeu extrêmement simple. Donc, on a des cartes de forme carrée. Et il y a 5, sur chaque carte, il y a 5 formes de robots avec des points qui sont affichés sur les cartes. Donc, il y a un robot qui vaut 0, il y a un robot qui vaut 1 jusqu'à 5. Donc, il y a 6 types de robots différents. Et quand on joue à 2, il y a une personne... Dans le fond, le but, c'est de faire un tableau, comme une sorte de matrice de robots, avec toutes les valeurs des robots ensemble. Bon. Il y a un joueur qui prend les colonnes et l'autre joueur qui prend les lignes. Et à tour de rôle, on prend chacun une pile de cartes avec des robots dessus. Et à tour de rôle, on va jouer une carte sur la table. Et le but, c'est d'avoir la ligne qui vaut le plus de points. Ou la colonne. Si c'était le joueur qui a les colonnes, ben c'est celui qui vaut le plus de points. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce que fait l'autre, à ce que les cartes qu'il met. On a des avantages quand il y a des deux robots de la même sorte sur une ligne ou une colonne. Donc, c'est important, dans le fond, de ne pas donner l'avantage à l'adversaire parce que les cartes, on les met à travers la matrice. Donc, ça peut aider le joueur qui... Si nous, on a les lignes, le joueur qui a les colonnes peut gagner des points aussi. Alors, il faut bien s'équilibrer puis faut s'assurer qu'on met les chances de notre côté au détriment de l'adversaire. Alors voilà le petit jeu Robot Master, un jeu de Rainer Knizia. Et minasan konnichiwa. Nihon dewa Naruto dake janakute minasan minna de igo o shite iru. Soshite na Quebec ni mo igo o shite kudasai. Ima kara puissance maximale kite kudasai. Non, mais fait, dans ce temps-là, je l'écrase vraiment pas. On vient de jouer à Dice Town. Dice Town, c'est un espèce de jeu parce qu'on c'est comme un peu dans le Far West, c'est un thématique Far West. Et puis on est dans un village, et puis à chaque tour, on doit jouer dans le fond 5 dés qui représentent une main de poker. Et le but, c'est d'avoir une belle série ou des bons dés. Selon les résultats qu'on a sur les dés, on a des différents avantages. On peut gagner des pépites d'or, on peut gagner de l'argent à la banque, on peut aller au magasin général, aller au saloon pour voler les autres joueurs. On peut devenir le shérif de la ville, ce qui permet de départager entre les... Quand il y a des égalités, c'est le shérif qui décide. Et on peut acquérir des titres de propriété qui donnent des points de victoire pour la fin de la game. Donc c'est un jeu...

Mais mon rôle de scientifique, c'était tout simplement que ça me permettait de trouver les médicaments, de trouver le remède le plus rapidement possible. Ça prend 5 cartes, normalement, si on n'est pas scientifique, pour trouver un remède. 5 cartes de villes d'une même couleur, donc d'une même région. Moi, avec 4 cartes, je pouvais en trouver. Donc, on a réussi à combiner. Ça prend plus de temps qu'on pense. Là, je regarde l'heure. Ça fait une bonne heure, presque bonne heure et quart, 1h20 qu'on joue. Puis ça a quand même pris, on pense coopératif, on pense peut-être que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de compétition. Non, le jeu est fait pour qu'on ait la difficulté. On pouvait perdre de 3 façons différentes, donc qu'on atteint le maximum d'éclosion, de foyers, d'épidémie sur la map monde, ce qui nous est pas arrivé. Nous, on a vaincu à la dernière, au dernier mouvement qu'on pouvait faire. Et on peut perdre également si on n'a plus de pions de maladie. Ça veut dire que là... on a été, comme on dit, envahi par la maladie. Et finalement, c'est si on n'a plus de cartes joueurs, donc on n'a plus de moyens. Ça représente qu'on a épuisé tous nos moyens pour combattre la maladie. Mais nous avons vaincu en découvrant les 4 remèdes pour chacune des maladies, vraiment au dernier mouvement. François, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Quelle a été ton expérience coopérative? Est-ce que tu aimes l'expérience du jeu coopératif? Oui, c'est bien balancé aussi. Puis c'est quand même assez difficile, comme on a vu, là, on a intervenu à la dernière minute, donc on voit que l'équilibre là, de la difficulté est quand même bien fait. Puis il y a aussi de l'attention, c'est important aussi qu'on sente là, que l'attention monte quand le jeu avance parce que la maladie se propage et tout ça. Puis on a des surprises aussi, on pensait éradiquer la maladie noire, puis finalement on se rend compte que c'est très difficile là, de maîtriser une maladie, donc c'est pas mal intéressant. Puis ce jeu-là, il a connu un grand succès à l'origine parce qu'il était sorti à l'époque de la grippe H1N1. Puis, elle avait beaucoup parlé de ce jeu-là à Radio-Canada à cause de cette maudite maladie-là. Puis, il y a toujours des pandémies qui sortent de temps en temps. Là, le virus du Nil, peu importe, nommez-les. Fait que, bon, c'est ça, c'est un jeu qui peut permettre là, pour, de concorder avec l'actualité. Là. Donc, en plus, on nous a appris chez Philosophia qu'il y avait une expansion, mais qui était discontinuée parce que justement, ça avait été très, très, très populaire et il n'y en avait plus nulle part. Donc, on était en train de vérifier là, chez Philosophia avec des partenaires étrangers s'ils pourraient avoir réimpression de ce jeu-là. Puis toi, Vincent, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Est-ce que tu as aimé? On a vu que tu étais consulté, mais nous, il fallait. C'est moi et François là, qui te déplaçaient là, à certains moments pour que tu puisses confectionner les remèdes. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience de ce jeu-là? Est-ce que tu trouves parfois qu'il y a des rôles qui sont plus passifs, contrairement, disons, au répartiteur que François jouait, qui était très réactif pour nous dire où aller sur la carte? Ou tu trouves quand même que tu as réussi à rentrer quand même dans le jeu? Non, je pense que c'est vrai que ce que tu dis, il y a des rôles un petit peu plus passifs. Quand ton rôle, toi, c'est que tu peux juste découvrir le remède, peut-être un petit peu plus rapidement. Puis le rôle de François, c'était justement de penser à tout ce qu'il pouvait faire avec les différentes qualités qu'il y avait comme joueur. Oui, ça vient différent. Moi, il y a une chose aussi que je voulais rajouter, c'est que dans les cartes qu'on a, il y a des cartes qui nous permettent de faire des mouvements plus rapides, d'échapper, comme tu disais tout à l'heure, à certaines règles du jeu. Puis je pense que si on n'avait pas joué ces cartes-là au bon moment, ça ne nous aurait pas permis justement de gagner. Ben, c'est ça, à la fin, on avait une carte, là, un pont aérien qui nous permet d'appeler un hélicoptère puis nous rendre à la ville qu'on voulait, peu importe où on était sur la carte, mais même si on n'avait pas la carte de cette ville-là, c'est ça qui nous a sauvés finalement à la fin. On a réussi à découvrir le remède grâce à ça. Puis on a même pu acheter une station de recherche à un moment donné qu'on a placée tout à fait par hasard. On avait quand même vérifié, mais dans une ville de l'Asie, puis ça nous est avéré être un bon mouvement. On l'avait placé à Manille parce qu'il y avait beaucoup d'éclosions en Asie, puis c'est ça qui nous a sauvés finalement, d'avoir un centre de recherche prêt pour pouvoir développer ce remède-là. Donc, pandémie, je pense qu'on a quelque chose, on avait un jeu très intéressant sous la main, un jeu pour les 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, on était 3, nous. On prévoit 45 minutes sur la boîte, mais je vous dirais que si vous voulez prendre votre temps, parce qu'il faut le prendre, parce qu'il faut compter tous les éléments qui peuvent nous amener à la défaite, moi, je vous dirais peut-être plus 1h10, 1h20 pour bien le jouer. Alors, on vous invite évidemment à essayer ce jeu-là chez Philosophia et on continue en musique. We'll be right back. j'entends, la blessure est encore fraîche. Je les ai mettant avec leur casse bleue, sa tête, mais on m'a amputé ma passion. Ils sont partis au Colorado pour quelques millions. Qu'importe, y'en avait pas gros qui parlait français. Les Russes et les Tchèques, pis les Anglais. J'imitais avec mon hockey en plastique, en rêvant de devenir un jour un Nordique. Mais quelle tournure désespérée, ça l'a pris notre club de hockey parti aux États-Unis. J'ai pu profondément troublé en tant que Québécois. J'ai fait 15 impressions nerveuses en moins d'un mois. Je venais pour calmer mon anxiété, ben les pelules, mais non, c'était pas assez. En buvant du café comme un fanatique dans ma petite tasse des Nordiques. Cette thérapie peu crédible, j'ai décidé de mettre de côté le suicide. En regardant les Nordiques triompher loin d'ici, en braillant comme un fou dans mon lit. Je suis devenu schizophrène à force de déception. J'ai dessiné game d'hockey dans mes taux sauf traitons. Et je calme mon malheur si intense en me disant que jour j'aurai ma vengeance. Et elle sera terriblement inhumaine. Et je l'exécuterai sans peine. Tout le Colorado sera détruit. Fallait juste pas nous acheter un petit gang de pourris. J'irai voir les dirigeants et les propriétaires. Puis je vais tomber leurs dents à coups de bombe nucléaire. Puis leur corps est calavérique. Je vais enterrer avec mon petit hockey des Nordiques. Finalement je l'ai fait, j'ai visité ces babouins. J'ai commencé à les étrangler de mes propres mains. Et la police m'a arrêté dans un élan prodigieux. J'ai pas contesté, car il était habillé en bleu. T'es rendu à la prison, on m'a traité de bête. Ça devait être le signe des Nordiques sur mes pas. Pour manger, je leur ai pitché des rondelles de hockey. Mais que la force de riposte, ma cervelle a explosé. Maintenant j'suis au ciel, puis j'fais tout pour. Les Nordiques reviennent à Québec un jour. J'fais la pression auprès du Saint-Esprit en squattant l'entrée du paradis. Puis si un jour tout ça, ça arrive. Ici, je vais venir en alcoolisé avec mon Pepsi, puis mes chips, puis ma crécelle, ma calotte et nordique en célébrant mes efforts et diaboliques. Je viens de jouer au jeu Monte Cristo. Alors, ça, c'est un jeu... Comment on pourrait qualifier ça? C'est un jeu qui est joli en tant que tel. Dans le fond, c'est le setting, c'est le château de Monte Cristo, près de Marseille. Et puis, c'est un jeu, en fait, de majorité. Alors, il faut se placer dans des tours du donjon. Et... lorsqu'on est majoritaire, bon, on peut récolter les trésors qui s'y retrouvent. Et c'est un jeu, par contre, qui n'a pas un ordre très précis. En fait, l'ordre du jeu change au fur et à mesure, à la bonne volonté des joueurs. Il y a une espèce de petit truc dans lequel on met une bille de notre couleur. Puis on peut la modifier. On peut modifier l'ordre au fur et à mesure du jeu. Ce qui fait que c'est un peu difficile à suivre. Là. Je ne sais pas si c'est possible de prévoir, avant d'avoir une mémoire super mathématique. Là. C'est difficile de prévoir exactement ce qui va se passer dans les prochains tours, l'ordre dans lequel on va jouer telle action. Alors voilà, Monte Cristo, c'est un jeu, j'ai pas été très convaincu, disons. C'est un jeu de majorité, c'est un jeu où on doit prendre les cristaux des autres avant que les autres nous les volent. Si je veux résumer le jeu, c'est à peu près ça. Nuclear power, no! Adam is evil! Don't tar our jeans! Don't pull our fish! Adam is evil! Hell with Adam! Don't tar our jeans! Don't pull our fish! Don't put our landscape in a terrible condition! Adam is evil! Adam is evil! Adam wish, we wish. Dump all our jeans, we'll dump all our fish, we'll dump all our landscape in a terrible wish. You want to build some new atomic plant? Well, if you do, you're gonna boil our fish. So let me tell you, mister, that you can. We wouldn't give permission. We wouldn't give permission. Et voilà, c'est comme ça que se termine l'émission Puissance Maximale de cette semaine. Nous étions en direct de la Fiesta Ludique qui s'est déplacée à Québec pour cet événement d'une fin de semaine, en fin de compte d'une journée. Et on remercie les gens de Philosophie, on remercie Martin et Sophie qui nous ont accueillis à bras grands ouverts, nous ont fait découvrir des nouveaux jeux, on a même joué à des jeux qui sont sortis depuis un petit bout de temps. Et on a eu bien du plaisir. On remercie également le cœur de Puissance Maximale, François G. Couillard. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Vincent Landois. Et on remercie également Michael Michaud, qui était avec nous pour cette aventure de la Fiesta Ludique à Québec. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu. Middle harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's the ending. Fighting with the legends of yore, it's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, die. To turntable, no rebel. I get a king. Yeah, best na best, the hook shit go goo. 1, 2, 1, 2. Ara gara koi das MC. Stamina deck, cock, suck, bell, shout. Look up in a bit, go get a shout. Jimen, go to hibi, kase, ooh-ha. Hibiki, ooh-ha, hibiki, ooh-ha. Oite kenai, the way you at. Where you at, where you at. To all my people with the funk, yeah. Dai wa show wo kane. Show kane, dai wa show kane. Two sides up, shita T-shirt day. Extra large, double extra large. Mitsu kazoeru uchi ni koshi no jun nuki na. Hot to meet you, shin monster kendo. Dekai kimochi de elephant bomba. Huge na step, descend, schmuck lane. Huge na step, huge na step. コしてゆけ GIAMT なスイングして FUMK1 にロックして Fuck it up